إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 53 dans l'explication de Kitab al-Tawhid, le moulakhas, le résumé du Sharh de Kitab al-Tawhid de Cheikh Saleh al-Fawzan. Et c'est le chapitre 40 aujourd'hui. Le titre de ce chapitre s'intitule Babun Man Jahada Shay'an min al-Asma'i wa Sifat. C'est-à-dire un chapitre au sujet de celui qui renie quelque chose ou quoi que ce soit des noms et des attributs d'Allah, ou quelque chose des noms et des attributs d'Allah. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne comme première preuve à ce sujet le verset dans sourate Ar-Ra'd, le verset 30 dans sourate Ar-Ra'd. وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية. Donc c'est le verset 30 dans sourate Ar-Ra'd, et il renie Ar-Rahman, il rejette la foi en Ar-Rahman. Et la suite du verset c'est la suivante, c'est la suite suivante, وتمام الآية قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. C'est-à-dire ce qui signifie, dit, c'est lui qui est mon Seigneur, rien ne mérite d'être adoré excepté lui, c'est en lui que je mets ma confiance et c'est vers lui que je retourne repentant. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد لما كان التوحيد ثلاثة أنواع توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات كان الإيمان بالله لا يحصل إلا بتحقق هذه الثلاثة نبه المصنف بهذا الباب على هذا النوع ليبين حكم من جحده. Donc le Cheikh explique pour quelle raison on place ce chapitre, on mentionne ce chapitre dans Kitab al-Tawhid, et il dit que étant donné que le tawhid est composé de trois catégories, tawhid al-rububiyya, l'unicité d'Allah dans sa souveraineté et dans sa seigneurie, et la deuxième catégorie, tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans l'adoration, que rien ne doit être adoré, rien ne mérite et rien ne doit être adoré en dehors de lui ou avec lui. La troisième catégorie, tawhid al-asma'i wa sifat, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs. Donc le Cheikh il dit, étant donné que le tawhid se divise dans ces trois catégories là et que quelqu'un ne peut pas avoir complété sa foi tant qu'il n'a pas réalisé l'application et la compréhension et la foi en ces trois catégories de tawhid, l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, a donc, dans ce chapitre, yani, mentionné les preuves au sujet de cette catégorie de tawhid qui est tawhid al-asma wa sifat, le tawhid des noms et des attributs d'Allah, et pour clarifier le verdict au sujet de la personne qui renie cette catégorie de tawhid, hein, qui renie les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il explique: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات أي أنه يكفر بذلك. C'est-à-dire qu'est-ce qui a été rapporté au sujet de celui qui renie, c'est-à-dire qui rejette la foi en les noms et les attributs d'Allah. وهم أي كفار قريش. Il dit et ce sont les kuffars de Quraysh. Dans le verset, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ, il dit وَهُمْ ici et ils, ce sont les kuffars de Quraysh. يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ أَيْ يَجْحَدُونَ هَذَا الْإِسْمِ مَعَ إِيمَانِهِمْ بِاللَّهِ فَالرَّحْمَنُ إِسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَالرَّحْمَةُ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ. Donc, وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ, c'est-à-dire les kuffars de Quraysh, ils renient Ar-Rahman. Hein? C'est-à-dire, ils renient ce nom. C'est-à-dire, ils renient le nom Ar-Rahman. Tout en croyant en Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que Ar-Rahman, c'est un des noms parmi les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Ar-Rahma, qui découle de ce nom, hein? Ar-Rahma, c'est la miséricorde, qui découle du nom Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Donc, Ar-Rahman, c'est la miséricorde, et donc c'est une des attributs, parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on extrait cet attribut-là de ce nom, de Ar-Rahman. Et donc, ça c'est un des noms et des attributs d'Allah. Donc, les kuffars de Quraysh, ils reniaient le nom Ar-Rahman, tout en croyant en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit ensuite: قُلْ يَا مُحَمَّدْ رَدًّا عَلَيْهِمْ فِي كُفْرِهِمْ بِالرَّحْمَنِ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبِّي أي الرحمن عز وجل ربي وإن كفرتم به هو ربي أي الرحمن عز وجل ربي وإن كفرتم به لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه. Donc Allah dit au Muhammad en réponse pour répondre à ces mushrikins qui renient le nom de Ar-Rahman, il est mon Seigneur, c'est-à-dire Ar-Rahman Azza wa Jal, c'est mon Seigneur, même si vous refusez de croire en lui. La ilaha illahu, même si vous refusez de croire en ce nom, hein, sachez que c'est mon Seigneur et il n'y a pas d'autre qui mérite d'être adoré excepté lui. La ma'abouda bihaqqin siwahu. Alayhi tawakkaltu. Alayhi la ala ghayrihi tawakkaltu fawwadtu umuri kullaha ilayhi wa'tamadtu alayhi. C'est-à-dire c'est en lui et non pas en personne d'autre que je mets ma confiance, c'est-à-dire que c'est à lui que je remets toutes mes affaires et c'est sur lui que je repose, que je repose toutes mes, hein, mes affaires. C'est en lui que je remets mes affaires et c'est à lui que, et c'est sur lui que je repose mes affaires. Si je m'en remets à lui complètement et entièrement. Wa ilayhi matab. Wa ilayhi matab marji'i wa tawbati. C'est-à-dire, c'est vers lui que je retourne en repentance et que je reviens repentant. Donc, ensuite, le cheikh explique le sens général de ce verset. Al-ma'na al-ijmali lil-aya. أن الله سبحانه وتعالى ينكر على مشركي قريش جحودهم لاسمه الرحمن ويأمر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم هذا الجحود وأن يعلن إيمانه بربه وأسمائه وصفاته وأنه سبحانه هو الذي يستحق العبادة وحده ويتوكل عليه ويرجع إليه في جميع الأمور ويتاب إليه من الذنوب. Donc le cheikh explique le sens de ce verset. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il condamne les mushrikines de Quraysh pour avoir nié un de ses noms qui est le nom Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et il ordonne à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de leur répondre et de les réfuter dans cette négation de leur part et de déclarer sa foi en son Seigneur et en ses noms et en ses attributs, et que c'est lui qui mérite lui seul l'adoration, et que c'est sur lui qu'il met sa, en lui qu'il met sa confiance, et c'est vers lui qu'il revient dans toutes ses affaires, et c'est à lui qu'il retourne en repentance pour ses péchés. مناسبة الآية للباب أن جحود شيء من أسماء الله وصفاته كفر. Donc en quelle occasion ou pour quelle raison on mentionne ce verset dans ce chapitre? Le cheikh il dit que c'est parce que le fait de nier quoi que ce soit des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses attributs, c'est une forme de kufr. وما يستفاد من الآية أولا أن جحود شيء من الأسماء والصفات كفر. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer comme point important de ce chapitre? C'est que de renier quoi que ce soit des noms et des attributs d'Allah est une forme de kufr. Hein? Et bien entendu, le fait de renier les attributs et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'on appelle en arabe juhud, hein, c'est la négation ou le fait de renier, eh bien ça c'est soit parce que la personne elle les traite de mensonges directement, comme par exemple l'exemple des koufars de Quraysh qui ne croyaient pas en Ar-Rahman, ou bien par exemple qu'ils rejettent un des noms ou une des attributs clairement et explicitement directement, comme par exemple les Jahmiyyah, hein, qui renie les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui renie ses attributs. Ils disent Allah n'a pas de main, Allah n'est pas au-dessus de son trône, Allah n'a pas d'yeux, et ainsi de suite. Les ulama ont considéré que la personne qui renie ces noms et ces attributs-là sont des kuffars, et il y a un ijma' des muslimines, un ijma' des musulmans, un consensus à ce sujet. Parce que c'est une forme de négation de ce que Allah et son messager ont mentionné. Hein? Et il y a une autre forme de négation qui est indirecte parfois, c'est qu'est-ce que les gens de Bid'a utilisent parfois pour déformer l'essence apparent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses noms, qu'est-ce qu'ils appellent le ta'wil, qui est en réalité de leur part une forme de déformation ou de falsification des sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et bien entendu, donc ça c'est quelque chose qu'on entend souvent de la part des gens de Bid'a et de Hizbiya, et ils changent le sens des attributs sans aucune preuve de la langue, sans aucune preuve linguistique de la langue arabe, ni aucune preuve bien entendu du Coran et de la Sunna. Comme par exemple, si on leur demande la signification de Ar-Rahman ou Alal Arsh Istawa, hein, que le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône, eux ils vont dire ça signifie istawla, c'est-à-dire le fait de prendre le dessus sur le trône et non pas de s'élever au-dessus du trône. Et si on leur demande quelle est la référence dans la langue arabe à ce sujet-là, ils n'ont pas de preuve, hein? Et les savants de la langue arabe parmi les sahaba et les tabi'in et les salaf ont dit que ça voulait dire ala wartafa'a et non pas istawla. Donc les ulama ils considèrent que celui qui déforme les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sans une référence linguistique, que ça c'est une forme de kufr. Ensuite, point numéro 2, le cheikh il dit wujubul iman bi asma'illahi wa sifatihi. Donc le point numéro 2 c'est l'obligation de croire en les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et en ses attributs. Le point numéro 3, وجوب التوكل على الله والتوبة إليه. L'obligation de croire, l'obligation de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et de se repentir vers lui, de retourner vers lui en repentance. Et le point numéro 4, rabi'an, wujubu ikhlas al-ibadati lillah, l'obligation de purifier notre adoration pour Allah seul. Donc ça aussi c'est donc ça c'est les points les plus importants par rapport à ça. Et donc comme le cheikh Al-Fawzan il a expliqué pour la raison pour laquelle le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné ce point-là dans ce chapitre dans Kitab al-Tawhid. Ce chapitre dans Kitab al-Tawhid, c'est justement parce que la majorité du livre consiste à expliquer le tawhid de l'adoration. Hein? Donc le cheikh a voulu quand même, étant donné que c'est un livre qui parle du tawhid, qu'il y ait quelque chose de mentionné au sujet des autres catégories de tawhid aussi. Et donc c'est pour cette raison-là qu'il a parlé également de tawhid ou l'asma et ou sifat. Le cheikh il dit ensuite, « وفي صحيح البخاري قال علي قال علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. » Donc ça c'est rapporté dans Sahih al-Bukhari que Ali radiallahu anhu a dit, racontez aux gens ce qu'ils savent ou ce qu'ils connaissent. Dites aux gens ce qu'ils savent et ce qu'ils connaissent. Est-ce que vous voulez que les gens traitent Allah et son messager de mensonge? Est-ce que vous voulez que les gens traitent Allah et son messager de mensonge? Donc ça c'est la parole de Ali radiallahu anhu dans Sahih al-Bukhari. Donc le cheikh il dit, pour expliquer cette parole de Ali radiallahu anhu, il dit Sahih al-Bukhari أي الكتاب الذي جمع فيه البخاري الأحاديث الصحيحة. صحيح البخاري أي الكتاب الذي جمع فيه البخاري الأحاديث الصحيحة. والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري نسبة إلى بخارى بلدة في المشرق. وكتابه أصح كتاب بعد كتاب الله. Donc le cheikh explique que Sahih al-Bukhari, hein, c'est le livre qui a été rassemblé par l'imam al-Bukhari, dans lequel il a recueilli les hadiths authentiques. Et al-Bukhari, son nom c'est al-imam Muhammad ibn Ismail. Muhammad ibn Ismail. Al-Bukhari, on l'appelle Bukhari parce qu'il vient de la ville de Bukhara, qui est une ville en Orient. Une ville en Orient. Et Kitabuhu, donc son livre, est un des livres ou le livre le plus authentique après le Coran. Les ulama disent que Sahih al-Bukhari, c'est le livre le plus authentique après le Coran. Al-ma'na al-ijmali lil-athar. Donc l'essence générale de cette parole de Ali radiallahu anhu. Yurshidu Amir al-Mu'minin Aliyun. علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أنه لا ينبغي أن يحدث عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه من التوحيد وبيان الحلال والحرام ويترك ما يشغل عن ذلك مما لا حاجة إليه أو كان مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله مما يشتبه عليهم فهمه ويصعب عليهم إدراكه. وقد قال ذلك حينما كثر القصاص أي الوعاظ في خلافته. Donc le cheikh il explique le sens général de cette parole. Il dit que Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه, il nous indique et il nous oriente vers le fait de comprendre que on doit informer les gens ou raconter aux gens, on ne doit raconter aux gens que ce qu'ils reconnaissent, hein, et que ce qui est connu est bénéfique pour les gens dans les fondements de leur religion et dans les règles du tawhid et dans les règles de la religion et du tawhid et des questions qui ont rapport avec qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram. Et on doit laisser de côté ce qui les distrait de ces fondements-là et de ces choses importantes de la religion. Parmi les choses que les gens n'ont pas besoin de savoir nécessairement. Parce que c'est le fait de leur raconter certaines de ces choses-là, ça pourrait les amener à rejeter la vérité et de ne pas l'accepter parce que c'est quelque chose qu'ils parfois ont de la difficulté à comprendre. Hein, et qu'ils auraient peut-être de la misère ou de la difficulté à cerner ou à comprendre ou à accepter. Et donc, Ali radiallahu anhu, il a dit ça en quelle circonstance ou dans quel contexte? Il a dit ça dans le contexte où, à son époque, il y avait beaucoup de compteurs. Qu'est-ce qu'on appelle des compteurs? Al-Qussas, on les appelle. Et on les appelle aussi Al-Wu'az. Hein? Al-Wu'az ala khilafat. Donc, dans son khilafa, à l'époque où Ali radiallahu anhu était un khalifa, il y avait beaucoup de compteurs. Et il racontait des choses, hein, et il racontait des choses parfois, hein, qui, c'était pas nécessairement toujours qu'est-ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna. Alors, il mentionne, Ali radiallahu anhu leur mentionne de se limiter à qu'est-ce qui est connu dans la religion et qu'est-ce que les gens acceptent, hein, qu'est-ce que les gens connaissent. Hein, ils expliquaient les bases du tawhid et les bases de la religion et les règles du halal et du haram et ainsi de suite. Le cheikh dit « Wa munasabatu al-athar lil-bab ya'ti bayanuha ba'da zikr al-athar alladhi ba'dahu » Donc, l'occasion pour laquelle on mentionne cette parole dans ce chapitre, ça, on va l'expliquer dans à la suite de la prochaine parole ou la prochaine narration qui va être mentionnée par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans ce chapitre. Et là, on va pouvoir comprendre pour quelle raison on a cité la parole de Ali radiallahu anhu ici. Ensuite, le cheikh il dit « Wa ma yustafadu min al-athar annahu idha khushya dararun min tahdith al-nasi bi ba'di » ما لا يفهمون فلا ينبغي تحديثهم بذلك وإن كان حقا. Donc le cheikh il dit que parmi qu'est-ce qu'on peut tirer de points importants de cette parole de Ali radiallahu anhu, il y a le fait que si on craint un mal quelconque en parlant aux gens ou en leur disant certaines choses qu'ils ne vont pas comprendre, alors il est dans ce cas-là, il ne faut pas leur dire cette chose, même si c'est quelque chose de vrai. Hein? Et comme on l'avait expliqué dans le charh de I'anatul Mustafid de Cheikh Al-Fawzan, on l'avait élaboré beaucoup plus en détail sur cette question-là. Puis on a expliqué que c'est pas toute chose qui est vraie qu'on doit le dire, qu'on doit dire nécessairement à tout le monde. Hein? C'est pas toute chose vraie qu'on doit dire nécessairement à tout le monde et à tout moment. Comme les ulama ils disent, li kulli maqamin maqal. Pour chaque circonstance, il y a une parole spécifique ou une parole à dire. C'est pas tout, on dit pas tout n'importe quand et dans n'importe quelle circonstance. Ensuite, il y a une autre parole qui est mentionnée. Le cheikh il dit وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه انتهى. Donc, ensuite, le cheikh, il mentionne la parole de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, qui est rapportée par Abdul Razzaq, selon Ma'mar, selon Ibn Tawus, selon son père, qui dit que Abdullah ibn Abbas a dit, lorsqu'il a vu un homme qui avait eu une réaction lorsqu'il a entendu un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été comme choqué lorsqu'il a entendu un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme si il approuvait pas de la mention de ce hadith. Alors Abdullah ibn Abbas a dit, de quoi ces gens-là ont-ils peur, hein, lorsqu'ils entendent choses du Coran qui ont rapport avec les versets qui sont explicites et clairs, ils l'acceptent, hein, ils l'acceptent et ils se sentent bien lorsqu'ils entendent ces choses-là, et lorsqu'ils entendent d'autres versets ou d'autres hadiths qui concernent ce qu'ils ont de la difficulté à comprendre, eh bien, ils sont pris de crainte à ce moment-là et ils périssent lorsqu'ils les entendent. Et donc, ça c'est donc la fin de la parole d'Abdullah ibn Abbas en voulant dire, est-ce que lorsqu'ils entendent des versets qu'ils comprennent et qu'ils ont bien compris, ils les acceptent et ils se sentent à l'aise avec ces versets et ces hadiths, mais lorsque c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils n'ont pas compris, ils sont perdus à ce moment-là? Donc le cheikh, il explique premièrement qui sont les personnes mentionnées dans la chaîne de transmission ici. At-Tarajum, premièrement Abdurrazzaq, wa huwa Abdurrazzaq ibn Hammam As-San'ani الإمام الحافظ صاحب المصنفات مات سنة 211 رحمه الله. Donc le premier mentionné c'est l'imam Abdur Razzaq al-San'ani ibn Hammam, l'imam al-Hafiz, un grand imam, un hafiz qui a écrit un livre qui s'appelle Al-Musannaf, un livre qui est rapporté donc dans lequel on trouve beaucoup de paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des paroles des salafs. Il est décédé en l'an 211 de la hijra, après la hijra, rahimahullah. La deuxième personne mentionnée dans la chaîne de transmission, c'est Ma'mar, wa huwa Abu Urwa, Ma'mar ibn Rashid al-Uzdi, al-Basri, thiqatun thabt, thiqatun thabtun, مات سنة 154 رحمه الله. Donc l'imam Ma'mar, c'est un des grands imams parmi les imams des salafs. Il s'appelle Abu Urwa Ma'mar ibn Rashid al-Uzdi al-Basri. C'est une personne qui était reconnue pour ses hadiths. Il était fiable et ferme dans sa mémoire. Et il est décédé en l'an 154, rahimahullah, après la hijra. La troisième personne mentionnée dans la chaîne de transmission, c'est l'imam Ibn Tawus, le fils de l'imam Tawus. Tawus, c'est Ibn Tawus, son nom c'est Abdullah. Ibn Tawus, Tawus c'est son père, qui était un des grands imams, parmi les imams des salafs aussi. Il est d'origine du Yémen, donc il est comme le cheikh il dit, al-Yamani, thiqatun fadilun abidun, mata sana 132, rahimahullah. Donc c'est un imam qui était vertueux, un grand adorateur. Il est mort en 132 après la hijra, rahimahullah. Donc le cheikh Al-Fawzan, il explique les différents termes qui sont mentionnés dans ce hadith. عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتفض أي ارتعد يعني كان il a entendu le hadith, c'est comme s'il a eu un frisson, فقال أي ابن عباس, donc lorsqu'il a entendu un hadith du prophète صلى الله عليه وسلم au sujet des attributs, il a comme il a pas approuvé de ça. Alors Abdullah ibn Abbas, il lui a dit, فقال أي ابن عباس ما است... ما ما فرق هؤلاء de quel est de quoi est-ce que ces gens-là ont peur. فرق بفتح الفاء والراء أي خوف, donc c'est une peur, une crainte. Donc de quoi ces gens-là ont-ils peur. هؤلاء يشير إلى أناس يحضرون مجلسه من عامة الناس. Donc il parle de quoi ont-ils peur. C'est-à-dire de quoi ont-ils peur, de qui il parle. Il parle de gens qui étaient présents dans son assise, parmi les communs des musulmans, hein, qui étaient là, qui entendaient. Et il dit يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. Donc le cheikh explique, il dit يجدون رقة, yani, il trouve que c'est quelque chose, quand c'est des hadiths qui parlent des choses qui sont claires pour eux, muhkam, ma wadaha ma'naahu fa lam yaltabis ala ahad, des choses qui sont claires pour tout le monde, yani, il trouve ça facile à accepter. Et il l'accepte. Wa yahlikuna 'inda mutashabihihi, ma ishtabaha 'alayhim fahmuhu. Et les choses qu'ils trouvent que c'est difficile à comprendre pour eux, là, ils périssent à ces moments-là. Et ils ont de la difficulté avec ces choses-là. Yani, parce que, en fait, la compréhension des versets, c'est quelque chose qui est relatif. C'est quelque chose qui est relatif. Pour un savant, quelque chose va être clair, tandis que pour quelqu'un qui, parmi le commun des musulmans, il va entendre quelque chose, il va trouver que c'est quelque chose qui n'est pas clair pour lui. Hein? Tandis que pour le savant, c'est clair. Hein? Donc, c'est pour cette raison-là que les ulama, ils ont expliqué que al-mutashabih, qu'est-ce qui est mutashabih, qu'est-ce qui est équivoque, qui peut avoir plusieurs significations, ou qu'est-ce qui n'est pas clair dans son sens, eh bien, il y a deux sortes de mutashabih. Mutashabih mutlaq et al-mutashabih al-nisbi. Mutashabih mutlaq, c'est-à-dire quelque chose qu'il n'y a personne qui peut le comprendre, seulement Allah subhanahu wa ta'ala. Seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait, ou bien quelque chose qui est mutashabih nisbi, ça veut dire c'est relatif, ça peut être difficile à comprendre pour un, ça peut être obscur pour un, tandis que pour un autre c'est clair et explicite, hein? Donc les gens ne sont pas tous au même degré de compréhension et de connaissance dans ces choses là donc pour eux, lorsqu'ils entendaient les hadiths ou les choses qui ont rapport avec les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les attributs d'Allah, les versets qui parlent des attributs d'Allah et les hadiths qui parlent des attributs d'Allah, eux ils trouvaient que c'était quelque chose de pas clair, ils comprenaient pas, donc ils avaient peur d'entendre ces hadiths là n'empêche que Abdullah ibn Abbas, malgré tout, il leur mentionne ces hadiths, hein. Il va pas dire ah, je vais pas mentionner ces hadiths là parce que eux ils les comprennent pas, non, mais en même temps il leur explique, il leur clarifie. Et il leur explique pourquoi, parce que ça fait partie des bases de la religion et des choses obligatoires à connaître. Hein, on ne peut pas laisser ça de côté, sous prétexte, comme certains par exemple, ils prétendent, ah mais non, il ne faut pas parler de ça, il ne faut pas parler des attributs d'Allah, les gens ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire, ou des choses comme ça, non. Hein, Abdullah ibn Abbas, il a pas dit, parlez pas de ça, il leur a dit, qu'est-ce que vous avez, pourquoi vous avez peur, hein? Donc c'est pour cette raison-là qu'il faut clarifier aux gens. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure avec la parole de Ali radiallahu anhu? Il faut la comprendre par rapport à cette parole maintenant, qu'est-ce qui est mentionné. C'est qu'on doit dire aux gens ce que les gens connaissent et leur expliquer ce qu'ils connaissent. Mais si c'est des choses qui font partie des fondements de la religion et que les gens ne connaissent pas ou ne comprennent pas et qu'ils ont peur de ces choses-là, alors dans ce cas-là, il faut pas dire « Ah, dans ce cas-là, on ne va pas leur en parler ». Il faut leur parler, mais leur clarifier, leur expliquer comme il faut pour que la chose soit plus facile à accepter de leur part, hein, et pour qu'ils puissent le comprendre. Donc le cheikh il explique, il dit المعنى الإجمالي للأثر ينكر ابن عباس رضي الله عنهما على أناس ممن يحضر مجلسه من عامة الناس يحصل منهم خوف عندما يسمعون شيئا من أحاديث الصفات ويرتعدون استنكارا لذلك فلم يحصل منهم الإيمان الواجب بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا معناه أو لم يعرفوه فتركوا ما وجب عليهم من الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن وبعضهم يحمله على غير معناه الذي أراده الله فيهلك فيهلك بذلك. Donc le cheikh explique que يعني le sens général de la parole de Abdullah ibn Abbas dans cet athar, c'est qu'Abdullah ibn Abbas il critique et il condamne les gens qui s'assoient dans son assise ou dans son cours parmi les gens du commun et qui ont une crainte lorsqu'ils entendent les hadiths qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont comme des frissons et ils sont comme secoués parce qu'ils entendent et ils sont comme touchés et ils veulent comme si ils désapprouvent ce qu'ils entendent des attributs des hadiths des attributs à ce sujet-là. Alors le cheikh il dit que ceux-là ils n'ont pas eu la foi obligatoire. La foi qui est obligatoire d'avoir au sujet des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne l'ont pas encore eu. Ils ne l'ont pas encore eu pourquoi? Parce que le vrai croyant lorsqu'il entend une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit croire en cette parole et s'y soumettre et l'accepter avec tout son cœur. Qu'il connaisse sa signification ou qu'il ne la connaisse pas. Il ne va pas commencer à désapprouver une parole qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est authentique. Il doit l'accepter. Et donc, qu'il comprenne sa signification ou qu'il ne la comprenne pas, il doit l'accepter. Donc, ces gens-là, ils ont abandonné ce qui est obligatoire de la foi pour eux, parce que, ils n'ont pas eu cette attitude que le croyant doit avoir, du fait que lorsqu'il entend quelque chose du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont ils n'ont pas connu la signification, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna, il doit savoir que c'est la vérité. Et il ne doit avoir aucun doute en cette parole s'il est croyant. Donc, qu'est-ce qui arrive dans la situation de ces gens-là qui entendent ces hadiths-là et qui ont un problème avec qu'est-ce qu'ils entendent? C'est que soit qu'ils l'ont pris, ils l'ont entendu et ils l'ont pris dans autre que sa signification, ils lui ont donné une signification qui est fausse et à cause de ça ils n'ont pas approuvé qu'est-ce qu'ils ont entendu, ils l'ont pas pris comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu et donc ils ont péri à cause de ça. Donc il y a ceux qui l'entendent et qui ne comprennent pas et qui savent pas qu'est-ce que ça veut dire et ils ont un problème avec qu'est-ce qu'ils entendent. Alors à cause de ça, ils refusent de l'accepter ou bien ils ne se sentent pas à l'aise avec. Et à l'autre partie, qu'ils l'ont entendu, qui n'ont pas su sa vraie signification, ils ont compris une signification autre que celle qui est la vraie. Et à cause de ça, ils ont nié la parole ou ils ont un problème à l'accepter. Et ça, c'est l'autre aspect aussi. Tandis que le vrai croyant, lui, il entend une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il connaisse sa signification ou qu'il la connaisse pas, eh bien, il l'accepte. Et s'il comprend pas sa signification, il va pas dire, ah, mais je l'accepte pas. Non. S'il sait que c'est authentique, il entend cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'accepte, il dit, j'y crois parce que c'est la vérité, ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il va demander aux hommes de science pour leur demander l'explication et la clarification à son sujet. C'est pas qu'il va nier quand il comprend pas, non. Il retourne aux hommes de science pour avoir l'explication et la clarification. Donc le cheikh il dit ici: ومناسبة الأثر للباب بعدما ذكر المؤلف أثر علي رضي الله عنه الذي يدل على أنه لا ينبغي تحديث الناس بما لا يعرفون ذكر هذا الأثر الذي يدل على أن نصوص الصفات ليست مما ينهى عن التحديث به بل ينبغي ذكره وإعلانها ذكرها وإعلانها فليس استنكار بعض الناس لها مانع من ذكرها فما زال العلماء قديما وحديثا يقرؤون آيات الصفات وأحاديثها بحضرة العوام والخواص. Le cheikh il explique que après avoir mentionné la parole de Ali radiallahu anhu dans laquelle on a la preuve que il ne faut pas dire aux gens ou mentionner des choses aux gens qu'ils ne connaissent pas, des choses qu'ils ne connaissent pas, on a maintenant cette parole de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu qui prouve que les textes qui mentionnent les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne font pas partie de ce qui est interdit de mentionner aux gens. Bien au contraire, il faut mentionner ces attributs et ces versets et ces hadiths qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et les divulguer devant les gens. Et le fait que certaines d'entre ces personnes ont du mal à l'accepter ou désapprouvent la mention de ces hadiths-là, ce n'est pas quelque chose qui doit nous empêcher de les mentionner. Parce que les ulama, dans le passé comme dans le présent, ils ont toujours récité les versets qui parlent des attributs d'Allah et ils ont toujours lu les hadiths qui parlent des attributs d'Allah en présence des gens du commun et en présence des savants et il n'y a jamais eu d'empêchement ou de mal là-dedans. Donc c'est très important de les mentionner. Et souvent ceux qui ont un problème avec la mention des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala devant les gens, c'est les gens de bid'ah. C'est les gens de bid'ah parmi les ahbash et les ashaira et les maturidiyya et les mu'tazila et les jahmiya. C'est eux qui veulent pas qu'on mentionne les attributs d'Allah à ces gens-là. Ils disent non, il faut pas mentionner les attributs d'Allah parce que les gens vont croire que Allah est semblable à sa créature. Et ça, bien entendu, c'est une shubha qui est vraiment facile à réfuter, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir » On dit « Il n'y a rien qui lui ressemble, il n'y a rien qui est comparable à lui. Hein? »« Wa huwa as-sami'ul basir » Et il est l'audient et le voyant. Donc, si quelqu'un fait une ressemblance entre Allah et sa création, ça c'est quelque chose qui est à rejeter et c'est quelque chose qu'il fait uniquement dans sa tête, parce que dans la réalité il n'y a aucune ressemblance entre Allah et sa création. Et quand on affirme les attributs d'Allah, on dit on affirme ces attributs là mais bien entendu il n'y a pas de ressemblance entre ces attributs là et les attributs de la création. Allah il a une main et les êtres humains ils ont des mains. Mais la main d'Allah, c'est la main d'Allah. Elle convient à sa majesté, à sa grandeur et à sa perfection. Et la main des hommes, c'est des mains humaines, créées. Donc c'est pas comparable. La main du créateur, c'est une main de créateur. La main de la créature, c'est une main de créature. Et il n'y a pas de comparaison entre les deux. Et la même chose pour les autres attributs. Et donc c'est comme ça qu'on doit les affirmer sans faire de ressemblance, sans essayer de chercher à comprendre le comment, la description ou le comment, et sans essayer de l'imaginer, sans essayer de faire des négations de ces attributs ou de nier leur sens ou leur signification réelle, ou de faire des déformations des sens de ces attributs-là. Il faut les accepter tels quels et croire en ses attributs comme elles sont, et sans faire de ressemblance non plus entre le créateur et la créature, comme les ulama ils le disent lorsqu'ils parlent des attributs d'Allah. Ils disent min ghayri takyif wala ta'til wa min ghayri tashbih wala min ghayri tashbih wala tahrif. Donc ça c'est les explications que les ulama mentionnent du fait qu'on doit croire en Allah et en ses attributs tels qu'il le mentionne lui-même dans son livre et tel que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le mentionne dans les hadiths hein, et croire en ça tel quel. Ensuite, le cheikh, il explique qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de cette parole. Il dit « وَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْأَثَرُ أَوَّلًا أَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ ذِكْرِ آيَاتِ الصِّفَاتِ وَأَحَادِيثِهَا بِحَضَرَةِ الْعَوَامِ النَّاسِ وَخَوَاصِهِمْ مِنْ بَابِ التَّعْلِيمِ » Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on peut tirer de point bénéfique dans cette parole, c'est que il n'y a aucun empêchement de mentionner les versets et les hadiths qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en présence du commun d'entre les musulmans ou des élites ou des particuliers, c'est-à-dire comme par exemple les ulama, de mentionner ces choses-là devant eux dans le but de leur enseigner. Donc il n'y a aucun mal là-dedans. Et surtout à notre époque, il y a des gens qui parfois vont dire aux gens, vont pas dire aux gens les choses qu'ils ont besoin de connaître parmi les choses qui sont des choses fondamentales de leur religion, hein, parce qu'ils ont peur de leur réaction, hein. Et ça doit pas être un empêchement de leur enseigner les fondements et les bases de leur islam et de leur religion, sauf que bien entendu il faut trouver la bonne façon de leur expliquer et la bonne façon de leur faire passer le message pour qu'ils comprennent correctement et pour qu'ils l'acceptent, hein. Il faut donc faire preuve de sagesse dans cet aspect-là. Et le cheikh dit ensuite, comme point numéro 2, « أَنَّ مَنْ رَدَّ شَيْئًا مِنْ نُصُوصِ الصِّفَاتِ أَوْ اسْتَنْكَرَهُ بَعْدَ صِحَّتِهِ فَهُوَ مِنَ الْهَالِكِينَ » Donc, le cheikh, il dit que quiconque a rejeté quoi que ce soit des attributs, des textes qui parlent des attributs d'Allah, ou qui yani désapprouve quelque chose de ces attributs-là après avoir connu son authenticité, alors il fait partie de ceux qui vont périr. Et le point numéro 3, « Al-inkaru ala man istankara shay'an min nusus sifat » C'est le point numéro 3, c'est le fait qu'il faut blâmer et condamner toute personne qui rejette quoi que ce soit des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et des textes qui mentionnent ces attributs, que ce soit dans le Coran et dans la Sunna. Hein, il y a des gens qui, hein, parmi les gens de Bid'a, qui se mettent en colère si on mentionne les attributs d'Allah. Hein. Et une fois, je me rappelle, une fois j'ai même parlé avec un parmi les gens des Ahbash une fois, et quand je lui ai mentionné le verset Ar-Rahman ou Alal Arsh Istawa, il a dit Astaghfirullah. J'ai dit Ar-Rahman ou Alal Arsh Istawa, il a dit Astaghfirullah. Il dit Subhanallah. Tu dis Astaghfirullah alors que c'est la parole d'Allah. Allah il dit Ar-Rahman ou Alal Arsh Istawa, tu dis Astaghfirullah. Et ça, c'est la preuve que ces gens-là, ils ont un problème avec la parole d'Allah. Hein? Et donc ça, c'est grave. Le cheikh, il dit ensuite, il explique ensuite une autre parole qui est mentionnée dans ce chapitre au sujet de la raison de la révélation du verset. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ. Il renie Ar-Rahman. Le cheikh il dit, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن. Donc, lorsque Quraysh a entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم qui mentionne le nom Ar-Rahman, ils ont renier ça, ils ont refusé d'accepter ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ. Et ils renient Ar-Rahman. Ils refusent de croire en le nom Ar-Rahman. مَعْنَى الْإِجْمَالِ الْمَعْنَى الْإِجْمَالِ لِلْأَثَرِ. Le sens général de cette parole, de cette narration. يَذْكُرُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي حين كتب بسم الله الرحمن الرحيم في صلح الحديبية فقالوا أما الرحمن فلا نعرفه ولا ندري ما الرحمن ولا نكتب إلا باسمك اللهم فيكون هذا سبب نزول الآية وقيل قالوا ذلك حينما سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في سجوده ويقول يا رحمن يا رحيم قالوا هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو اثنين الرحمن والرحيم وهذا سبب آخر لنزول الآية ولا مانع أن تنزل الآية لسببين أو أكثر وتقدمت هذه الآية وما يتعلق بها في أول الباب. Donc le cheikh explique le sens de cette narration. Il dit que يعني lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم avait mentionné Ar-Rahman, le nom d'Allah Ar-Rahman, lorsqu'il a le cheikh il dit cela signifie lorsque il a écrit Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim sur l'entente qu'il a écrit lors de Al-Hudaybiyyah avec les mouchriquins, il avait écrit Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Alors les mouchriquins ont dit Ar-Rahman, on le connaît pas et on sait pas qui est Ar-Rahman. Alors ils ont dit écrivez seulement Bismika Allahumma, c'est-à-dire en ton nom ou Allah. Et donc, comme ça c'est rapporté dans Al-Bukhari également, cette histoire. Et il dit, et ça c'est donc une cause de la révélation de ce verset, d'après ce qui est rapporté. Puis ensuite, il dit, et on a dit également, que ce verset serait aussi, aurait été aussi révélé lorsque les mouchriquins de Quraysh ont entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, invoqué durant son sujoud, durant sa prosternation, en disant « Ya Rahman, Ya Rahim » c'est-à-dire « Ô tout miséricordieux, ô très miséricordieux ». Alors ils ont dit « Celui-là, il prétend qu'il invoque un Dieu unique, alors qu'il invoque deux différents, en voulant dire « Ar-Rahman » et « Ar-Rahim » comme si c'était deux choses ou deux personnes différentes ». Et ça, bien entendu, c'est faux, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il a les plus beaux noms. Tous les plus beaux noms sont à lui. Et lorsqu'on dit Ar-Rahman ou Ar-Rahim ou Al-Aziz ou Al-Hakim, c'est, on parle de la même personne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est des noms et ça représente aussi ses attributs. Hein. Donc ça, ce serait une des causes, une autre cause de la révélation de ce verset. Et le cheikh Al-Fawzan dit qu'il n'y a rien qui empêche que le verset ait été révélé pour plus qu'une seule cause. Yani pour plus que deux causes ou plus. Il dit, on a déjà mentionné donc qu'est-ce qu'il y a à voir avec ce verset dans le début de ce chapitre. Il dit, وَمِمَّا يُسْتَفَادُ مِنَ الْأَثَرِ ثُبُوتُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وأن تعدد الأسماء لا يدل على تعدد المسمى وثالثا مشروعية دعاء الله بأسمائه وصفاته. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer de cette parole ou de cette narration? Premièrement, c'est l'affirmation des noms et des attributs d'Allah. Deuxièmement, que les noms d'Allah sont multiples. Et le fait que les noms d'Allah soient multiples, ça ne veut pas dire que il y ait plusieurs divinités. Hein? Il y en a une seule. C'est juste que il a plusieurs noms. Et le point numéro 3, le fait qu'il est permis et légiféré dans l'islam d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et par ses attributs. Hein? Que ça c'est légiféré, que c'est permis, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans ses du'as Ya Rahman, Ya Rahim, et ainsi de suite. Donc il invoque Allah, il lui demande en mentionnant ses noms et ses attributs. Donc ça c'est qu'est-ce qui vient conclure ce chapitre et qu'est-ce qui vient le terminer. Et puis on continuera le reste et la suite de ce livre. Inch'Allah, au prochain cours, on fera probablement au prochain cours deux chapitres. Inch'Allah. Naam. Donc, ça y est pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et naam. Donc, Alhamdulillah, le livre de Kitab al-Tawhid, c'est un des livres les plus importants. Et c'est très important de l'étudier et de bien le comprendre. Donc ça, c'est un charh qui est résumé. Il y a des shurouh qui sont plus élaborés, plus détaillés. Mais pour commencer, c'est toujours mieux de commencer avec quelque chose de plus simple, de plus résumé, puis d'avancer petit à petit par la suite dans, vers qu'est-ce qui est plus avancé. Même si, en même temps, si quelqu'un veut avancer dans un charh qui est plus compliqué ou plus avancé, c'est bien qu'il fasse des efforts pour apprendre l'arabe, puis avancer dans sa langue arabe. Comme ça, il pourra retourner directement aux explications des ulama et des shurouh en arabe. Parce que c'est des livres qui doivent être étudiés à la base en arabe, pour vraiment bien profiter de leur contenu. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته